Bonjour mes amis, welcome to French Pod. Today we've got an intermediate lesson, it's called Ice Skating. My name is JP. Bonjour à tous, nouvelle leçon intermédiaire aujourd'hui, je m'appelle Amaury. Amaury, how's it going? We're going to talk about ice skating today. Are you a big fan of ice skating? Pas du tout. No, okay. Me neither, I've only been once or twice and I think I hurt my ankle. Je trouve ça tout à fait normal. Pour moi, ça, quand on part du patinage, ça rime avec problème, se casser quelque chose. Ça rime avec hôpital un peu. Yeah, I know what you mean. You know, ice skating would be great if it wasn't so slippery. Exactement, le problème c'est que ça glisse. Ça glisse, it slips, it's slippery. Ça glisse même un peu trop pour moi. Yeah. No, ça glisse, that's our mot-clé, right? Oui, c'est ça. Okay. Ça glisse. Ça glisse, it's slippery. All right. Oui, donc maintenant on va voir ce que les personnages du dialogue en pensent, eux. Okay, now they're renting their skates and they're hitting the ice. Oui, c'est ça. Okay, let's listen. C'est parti. Oui, mon cœur, je sais que tu as peur, mais la patinoire va fermer le 1er mars. Alors, il faut en profiter. Elle rouvrira à la fin de l'année, ta patinoire. On pourra y aller à ces moments-là. Mais non, allez, viens. Je n'ai pas envie d'attendre 8 mois. Votre pointure, s'il vous plaît. 38. Et vous, monsieur? 43. Ça fait 10 euros. Voilà vos patins. Doucement, détends-toi, ça va aller. Mais j'ai peur, ça glisse. Peur de quoi? Je suis là, tiens-moi la main. J'ai peur de tomber. Et pourquoi tout le monde patine aussi vite? C'est pour se moquer de moi, c'est ça? Mais non chérie, tu fais déjà des progrès. Attention, pas trop vite, attention. Donc voilà, je crois que nous sommes tous les deux d'accord plutôt avec cette pauvre demoiselle. La pauvre. Pour qui ça a quand même mal terminé. Yeah. She didn't even want to go in the first place. Tout à fait. Puisqu'elle a peur, son copain lui dit... Bon, il est gentil quand même. Il l'appelle mon cœur. Une expression qu'on utilise souvent en français. Right. On peut appeler sa copine mon cœur ou bien la fille pourrait appeler son copain mon cœur aussi. Like my darling. Oui. Et donc il lui dit, je sais que tu as peur. Mais la patinoire va fermer le 1er mars. Okay, so even though she's afraid, there's like a deadline that they have to reach. Qui est le 1er mars, oui. Okay, that's the 1st of March. Now remember, le 1er mars, or the 1st of any month, is going to be expressed a little bit differently. If it's the 2nd of March, we'd say... Le 2 mars. Okay, it's just the number 2, right? Oui. Le 2. And then what if it's the 20th of March? Le 20 mars. Okay, so all of those are just with the date, right? But the first, we say a little differently. Okay, le 1er mars. So that's the 1st of March. Le 1er mars. And the other months are like that too, the 1st of September. Tout à fait. Le 1er septembre. Okay. Le 1er décembre. All right, 1st of December. So because it's going to close, we have to take advantage of it. Il dit, il faut en profiter. Okay, that's a great French word, profiter de quelque chose, to take advantage of something. Now, remember when we have in French a verb that's tied closely to the preposition de, like, for example, profiter de, when we want to say we're going to take advantage of it, we use the pronoun en. Oui. And that's why we have il faut en profiter. Et donc ensuite, elle essaie de se défendre. Elle lui dit, bon, mais elle rouvrira à la fin de l'année, ta patinoire. Okay, first of all, it's your skating rink, right? It's your skating rink. She's not even part of that whole business, right? And then she says that it's going to reopen, right? Now, that is a tricky word for me to pronounce. Elle rouvrira. Okay, she will reopen, right? So in there, you see the verb to open. Ouvrir. Ouvrir. And if you want to make it future, you say ouvrira, right? Exactement. And then if you want to say it will reopen in the future. Rouvrira. Rouvrira. Oh, I had some trouble saying. Elle rouvrira à la fin de l'année. Ta patinoire. Ta patinoire. Comme t'as dit. Les patinoires en France sont ouvertes toute l'année, généralement. Mais là, on peut imaginer que c'est une patinoire qui est ouverte de novembre à fin février, qui est ouverte que 4 mois par an. Right. Elle dit, bon ben, on pourra y aller à ce moment-là. Okay, so let's take a look at that I. On pourra y aller, all right? Usually when you go somewhere, you aller à, to a place, right? Oui. Okay, and even if you don't specify in the sentence where you're going, you still want to keep track of that à. And that's why we say y aller, to go there. Oui, aller quelque part, qui est remplacé par le pronom y, comme tu l'as expliqué. Right, y. Et y aller quand? à ce moment-là. OK. At that point in time, at then, right? Oui. We'd say in English, à ce moment-là. Oui, à la fin de l'année. Maintenant, ils sont à la patinoire. Lui, il insiste, il a envie d'y aller. Il dit, mais non, allez, viens, je n'ai pas envie d'attendre 8 mois. OK, he's trying to drag her along. Come on, baby. All right. And here we have the expression avoir envie de, right? And here it's in the negative. Je n'ai pas envie de, I don't feel like what? I don't feel like waiting 8 months. D'attendre 8 mois. Okay. Now keep in mind that the expression is avoir envie de. You can't go anywhere without that de. Non. That's why we say d'attendre. Donc il la convainc, mm-hmm. et ils entrent dans la patinoire et rencontrent cette personne qui travaille là. Right. Et qui leur demande, votre pointure, s'il vous plaît. Okay, pointure, this is the shoe size, right? Oui. Okay. Dès qu'on dit le mot pointure, cela implique qu'on parle de la pointure des chaussures. Okay, and not the, your hat size or your non. shirt size. En fait, le mot pointure est aussi employé pour les chapeaux et les gants, mais c'est tellement peu utilisé que lorsqu'on dit pointure, cela sous-entend automatiquement pointure de chaussures. Alors, elle fait du 38, mm-hmm. et lui, il fait du 43. Okay. Après avoir pris les chaussures, malheureusement, il faut payer. Right. Donc la personne qui travaille là leur réclame 10 euros. Il dit, ça fait 10 euros. Okay, that's the total, right? So that makes 10 euros altogether. Oui. We could say it like that. Or altogether, that's 10 euros, right? Ça fait. Exactement. Et il leur donne leur patin. Mm-hmm. Voilà vos patins. Ensuite, on les rejoint okay. directement dans le feu de l'action. Okay. Ils sont sur la patinoire. Mm-hmm. And she's a little bit shaky, right? She's... Oui. Maybe it's her first time or maybe she's had a bad experience, but... Voilà, qui sait. En tout cas, elle n'est pas très contente. Right. Et son copain ou son mari, on ne sait pas, essaye de la rassurer et il lui dit, doucement, détends-toi. Okay. Ça va aller. All right. So those are all very reassuring things. Go a little bit slower. Oui. Détends-toi. Détends-toi is relax. Oui. And ça va aller, it'll come. Oui. Right? It'll be fine. Et donc, elle n'est pas d'accord. Mais tu sais, JP, il paraît que quand on parle à des personnes qui sont énervées, mm-hmm. la pire chose à leur dire, right. c'est relax, détends-toi. Yeah, absolutely. Ça va aller. That never helps. Exactement. Never helps. Les gens sont encore plus énervés, plus mm-hmm. agacés après ça. Yes. Et c'est ce qu'on voit ici. On l'entend, elle dit... Mais j'ai peur, ça glisse. Ça glisse, there's our mot clé, ça glisse. Oui. It's ice skating, of course, ça glisse. Oui, mais quelqu'un qui a peur, c'est vraiment les mots qu'on dit à ce moment-là, c'est vrai. Je vais tomber. J'ai froid. It's ice skating, my friends. So she says, I'm scared, and he says, scared of what? Peur de quoi? Now, when we talk about fear, we're going to use avoir peur de, oui. right? And that peur comes up in the question. Now, the question is not a complete sentence. The complete sentence might be, tu as peur de quoi, right? Oui. Scared of what? Et donc, il la rassure, enfin, il essaye de la rassurer. Mm-hmm. Il dit, je suis là, tiens-moi la main. Okay, I'm here for you. That's assuring. Tiens-moi la main is something very reassuring. You can say it's take my hand. Exactement, mm-hmm. oui. This is the verb tenir, and it means to hold. And so, literally, this sentence is hold me, what? Hold me the hand. Oui. And that's how you say it in French. Tiens-moi la main. Mm-hmm. Mais elle a vraiment peur. Mm-hmm. Et elle dit, j'ai peur de tomber. Okay, now this is the direct answer to the question, peur de quoi? Exactement. Right, peur de tomber. J'ai peur de tomber. I'm afraid of falling. Et donc là, elle perd un peu la tête. Elle dit, et pourquoi tout le monde patine aussi vite? C'est pour se moquer de moi, c'est ça? Okay, se moquer de, this is one of my favorite verbs. It's, you know, it looks like to mock. They're mocking me, right? Right. Or maybe in English I would say, they're trying to make me look bad. They're all going so fast and I'm almost falling down, for goodness sakes. C'est pour se moquer de moi. Mais bon, de toute façon, elle est sur la patinoire. Mm-hmm. Donc, il essaye encore de la rassurer. Mm-hmm. Mais non, chérie. Chérie, c'est comme mon cœur. Okay. C'est un petit mot affectueux. No, baby. Voilà. Tu fais déjà des progrès. Okay, this is the expression faire des progrès, to improve. Voilà ce que tout le monde fait ici avec FrenchPod. Oui. Tout le monde fait des progrès en français. Bien sûr. Mais après ça, il ne contrôle plus la situation. Mm-hmm. Elle ne contrôle plus la situation non plus. Et elle part trop vite. Et la catastrophe arrive. It wouldn't be FrenchPod without a catastrophe, right? Non. Allez, on les réécoute. « Oui, mon cœur, je sais que tu as peur, mais la patinoire va fermer le 1er mars. Alors, il faut en profiter. Elle rouvrira à la fin de l'année, ta patinoire. On pourra y aller à ces moments-là. Mais non, allez, viens. Je n'ai pas envie d'attendre 8 mois. Votre pointure, s'il vous plaît. 38. Et vous, monsieur? 43. Ça fait 10 euros. Voilà vos patins. Doucement, détends-toi, ça va aller. Mais j'ai peur, ça glisse. Peur de quoi? Je suis là, tiens-moi la main. J'ai peur de tomber. Et pourquoi tout le monde patine aussi vite? C'est pour se moquer de moi, c'est ça? Mais non, chérie, tu fais déjà des progrès. Attention, pas trop vite, attention. Comme on l'a réentendu, la chute était inévitable. Yeah. Donc, dans le dialogue, on a parlé à un moment de pointure. Ok, this is the shoe size, right? Exactement. Donc, je me demande, quelle est ta pointure à toi, JP? Mine, in American, I would say 12 and a half, but I think in European... Ah oui, c'est vrai, la pointure est différente. That's right, we have different systems. I think in the European system, it's 48, 48. 48? Yeah, I got big feet. C'est grand. I'm tall. Ah oui, c'est vrai que tu es très grand. Non, moi j'ai une petite pointure comparée à toi. Ok. Moi je fais du 42. Ok. 43. All right, I think I had that in sixth grade maybe. Mais bon, je vais encore grandir, JP. Ok, yeah. Je n'ai pas terminé. Yeah. You're gonna have a spurt anytime. Et donc c'est vrai, quand on va à la patinoire, il faut donner la bonne pointure. Parce que ce qui est horrible, c'est quand tu donnes des chaussures trop petites. Oh no, that's a disaster. The skates gotta fit. Ouais. Mais donc, tu y allais combien? 2-3 fois à la patinoire? Just a couple times, yeah, just a couple times. And the first time, I crunched my ankle pretty hard. C'est horrible. Yeah, I was going back for my triple axel. That's a joke. Est-ce que tu as essayé de faire le malin? Tu n'avais pas peur? You know, I wasn't. I thought I was doing fine. I was just going around. I wasn't trying to do anything ridiculous. I wasn't going backwards or anything, you know. I think I just got tired of standing up. And so D'accord. I fell down on my ankle. Mais est-ce que tu as senti que tu faisais déjà des progrès? Absolutely, yeah. I thought that I was getting it. Ouais, yeah. D'accord. Mais bon, tu as été interrompu par une chute qui a brisé ta carrière de patineur professionnel. When I got home, I had my friends put my mattress on the floor so I can sleep there, so I wouldn't have to climb up into bed. Et est-ce que tes amis se sont moqués de toi? Absolutely. Ouais? Yes, yes. Because that's what you do in a skating rink. You make fun of the people that fall down, right? C'est vrai. Mais ce n'est pas bien, il ne faut pas se moquer des gens. No, bon. No, don't ever do that. Non. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez une expérience différente de JP ou de moi-même, parce que moi je ne vais même pas raconter mon expérience à la patinoire, c'est terrible. Donc j'espère que vous avez des expériences à la patinoire aussi intéressantes. Donc venez, n'hésitez pas à venir les partager sur la page de discussion frenchpod.com, un seul site pour apprendre le français. Je répète, frenchpod.com. Donc on se retrouve sur la page de discussion. À bientôt. À la prochaine.